Bon, j'espère que cette fois il n'y aura pas de soucis techniques. Hein. Nous sommes en direct de la foire de Saint-Romain. Ah merde, mon téléphone. Allô, allô, allô, allô, est-ce qu'on m'entend? Allô? Test micro, 1, 2, 1, 2. On peut y aller. Bon, en ce moment, vous avez tout branché, les câbles, tout, les micros, on peut y aller. Ok, on y va. Bonjour et bienvenue dans Quoi qu'il se passe. Donc pour ce second numéro, je chamboule un petit peu la formule before after parce qu'en fait on va directement faire un after. Donc je reçois avec moi Gandalf 81 qui a fait plusieurs sorties sur Paris. Bonjour. Et qui a fait plusieurs sorties sur Paris et il va nous présenter donc ce qu'il a fait. Donc est-ce que tu peux te présenter déjà avant de commencer? Bon voilà, Gandalf 81, sommité inconnu du monde geek. Et du monde du podcast aussi. Et le monde du podcast, voilà. Je suis un auditeur pas fidèle, mais j'essaie d'être fidèle. Donc voilà, je vais donc vous raconter mes activités, on va dire geek entre guillemets, que je suis allé faire à Paris. Ouais. Donc, vous verrez que c'est assez divers. J'aurai différents univers, voilà. Donc du coup, qu'est-ce que tu as été faire sur Paris? Donc voilà, c'était la raison pour laquelle j'étais monté. Je suis monté pour le concert de Kiari Pamiu Pamiu qui a eu lieu le 25 avril 2014. Donc alors, c'était son troisième passage à Paris. Elle était déjà passée une première fois à Japan Expo. Oui, parce que pour rappel, Kiari Pamiu Pamiu est une chanteuse japonaise de J-pop. Oui, c'est vrai. Donc elle était passée une première fois à Japan Expo. Donc c'était ce qu'ils appellent les showcases, donc de 30 à 40 minutes à peu près. Ouais. Ah, et était passé une seconde fois à la salle de concert La Cigale, c'était l'année dernière en 2013. Et là cette année, donc on a profité pour passer pour cette date-là, on a profité pour changer encore une fois de salle de concert, c'était le Bataclan. Donc de toute façon, grosso modo, le Bataclan et La Cigale, c'est à peu près la même capacité si ma mémoire est bonne. Okay. Donc alors, le concert était toujours dans le cadre du dernier album qu'elle avait sorti, à savoir Nada Collection. Et d'ailleurs, la tournée s'appelait Nada Collection Tour 2014. Donc par rapport à l'année dernière, elle en a profité pour changer un peu la setlist. Ouais. Elle en a profité surtout pour inclure les toutes dernières chansons qui sont pour l'instant sans album. Donc en gros, il y avait une bonne vingtaine de chansons. Oui, ouais, ça a duré à peu près une heure et demie, c'est un bon temps pour un concert japonais, ouais. Parce que j'étais déjà allé voir au Bataclan. L'année dernière, j'étais allé voir Asian Kung Fu Generation. Ouais. Bon, ça, c'est plus rock, voilà. Et ouais, c'était à peu près dans ces eaux-là, quoi, une heure et demie. De toute façon, vu le tarif, faut pas s'attendre à plus, quoi, parce que... Après, il y avait vachement plus, je trouve, bizarrement, d'interaction avec Kiari, par contre, en japonais. C'est que ça... Avec traduction ou sans traduction? Sans traduction, malheureusement. Ouais. Bon, ça va que moi, j'ai des notions à peu près diverses. Et bon, autant on arrive à reconnaître toujours à peu près ce qu'ils veulent dire. Mais c'est vrai que ça bloque quand même. Mais bon. Après, c'est vrai que j'étais quand même aussi beaucoup étonné. Il y a quand même énormément de Japonais qui viennent. Au concert de Asian Kung Fu Generation, il y en avait quelques-uns. Mais là, c'est vrai que j'ai vraiment été choqué parce que il y avait beaucoup de Japonais, mais d'âge extrêmement différent. Ouais, bah peut-être parce que c'est une artiste qui est beaucoup plus connue que Asian Kung Fu. Du coup, ça ramène peut-être plus au monde. Déjà, et parce que moi, je trouve qu'elle a une musique assez générationnelle aussi. C'est-à-dire que c'est des musiques que moi, c'est de l'électro-pop, pas vraiment électro, mais oui, voilà, de l'électro-pop, mais... Infantisé. En gros, ça parle aux enfants et ça parle aussi, et ça parle bien évidemment à la part d'enfants qui est en nous. Et c'est pour moi que c'est coloré, c'est acidulé comme musique, du coup ça parle à beaucoup de monde. Quoi. Bah, c'est vrai qu'elle a un style très, on va dire, très kawaii, très sucré. Ouais, c'est un univers qu'on retrouve pas, quoi, parce que même si on regarde les autres productions du même studio Capsule, là, on tombe pas sur cette pop, on appelle ça acidulé un peu. Oui. C'est vrai que c'est une artiste vraiment pour moi qui sort vraiment des sentiers battus. On reste quand même dans le cadre de cet électropop japonais. Si on écoute du Parfum, on ressent quand même les influences. Mais on est quand même dans un registre qui est différent. Donc alors, pour ce concert-là, on a eu droit à... Je vais faire la setlist avec mon plus bel accent japonais, on va bien jouer dans 5 minutes. Donc bien sûr, on avait droit à une intro, on ne comprenait rien. Oui. On a eu droit à Nada Collection, Invader Invader, Mi. Alors, une de chansons qui est sortie assez récemment, que je connais, j'avais juste entendu une seule fois, c'est Family Party. Ninjari Bang Bang. Kari An An. Furizo Deson. Pamyu Pamyu Revolution. Mutai Natland, encore une nouvelle chanson. Sugoi Ura. Kura Kura. Super Scooter Happy. Yumeno Amine Ring Ring. Sugoi Nui. Pardon, Sugoi no Ice Cream. Tsukema Tsukeru. Kiari no Match. Bien évidemment, Chili Bonbon. Pompon. Fashion ouais, Monster. Un classique, Pompon et Fashion Monster, ouais, c'est ah oui, des qui sont un petit peu plus connus. Voilà, de là, de suite, on arrive à des trucs plus connus. Ce que les artistes japonais ne font normalement pas. La pause et le rappel. Parce que ouais. Ça, si vous allez au Japon, généralement, les rappels, ils en font très peu. C'est pas dans leur culture. Donc, et en rappel, on a eu droit à Minion, Candy Candy, la chanson de au revoir, Chan Chaka Chan Chan. D'accord. Voilà. Donc, le tout sur, grosso modo, une heure et demie. Quoi. Oui, donc, ça va. Même s'il y a une petite pause bah, et un rappel après, ça va, c'est quand même... Ouais, il faut compter qu'il y a eu 2-3 pauses aussi, donc bien sûr, les interludes de parler, oui. On n'a rien compris. À un moment, il y a deux interludes avec un gros lapin. Ah. Je ne sais pas pourquoi. Il avait un beau chapeau, en tout cas. Ça, c'était bien. Bon, après, sinon, le concert dans son ensemble, pour moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai vraiment été étonné. Il a une vraie présence sur scène. Bon, après, ça reste un artiste japonais, donc... C'est pas l'interaction d'une rockstar, quoi. C'est pas des gens qui sont hyper... ils sont démonstratifs dans leur tenue, plus que dans leur geste. C'est ça qui est assez paradoxal, quand même. Et je lève surtout mon chapeau aux danseurs. Les danseurs, ils étaient 4. Oui, c'est vrai que dans les clips, c'est ce qu'on voit dans le clip. Oui, je suis pas sûr, totalement sûr. Parce qu'ils ouais. étaient 4, il y avait 2 femmes et 2 hommes. Et vraiment prodigieux. Vraiment, ils amènent vraiment... c'est vraiment quelque chose... En plus, voilà. Spectacle. Ah oui, c'est vraiment non négligeable. Les danseurs sont vraiment... vraiment costauds. Donc, ouais, c'est vrai que j'ai vraiment été assez bluffé, finalement. Il y a une bonne présence sur scène, elle chante bien, elle danse bien. Parce que bon, il faut dire la vérité. Et du coup, est-ce que y avait une première partie où c'était directement elle qui chantait? Ah non, c'est directement. Là, c'était directement. Ouais. Bon, quand tu vois le prix, 30€ pour un concert sur Paris, ça fait pas cher quand même. Ouais. Ouais, je connais pas trop les prix des concerts, mais. Ouais, sur Paris. Si tu dis que ça va. 30€, ouais, non, ça va. Franchement, parce que les concerts, moi j'avais fait à Zen Kung Fu Generation, j'avais payé le même prix. C'était l'année dernière. Mais vraiment, non, ça va. Donc moi, de toute façon, si je donnerais une recommandation, c'est aller voir des artistes japonais. Il n'y a rien de ringard, comme oui. certains oseraient le penser. C'est quand même après le deuxième marché du disque mondial. Ah oui, et surtout que les disques coûtent chez eux hyper cher. Ce qu'il faut se rappeler oui, aussi. En plus. Parce que quand acheter un DVD rien qu'au Japon et le faire importer, déjà le prix du DVD au Japon est hyper cher. Donc c'est ça aussi qu'il faut se mettre derrière l'oreille. Mais vraiment, ils ont des artistes de qualité. Ils ont une vraie culture musicale. Je pense que c'est l'effet qu'avait à l'époque quand les amis américains avaient mis des camps de base un peu partout. Ils ont ramené tout ce qui est beaucoup jazz, rock à l'époque. Oui, toutes leurs influences à eux. Voilà, c'est ce qu'on voit très bien d'ailleurs dans une série comme Kids on the Slope. Hein. Ça, je vous le recommande très chaudement. Si vous aimez minimum la musique, regardez ça, c'est génial. Et on s'en prend ça en fait, parce qu'il suffit de regarder les clips qu'ils font. Rien que les instruments qu'ils prennent, déjà on voit que c'est pas des instruments nazes. Quoi. Ils ont une vraie culture musicale. Quoi. C'est ça qui est assez particulier, et je pense que c'est pour ça que ça marche aussi. Ils font pas semblant de faire de la musique. Quoi. Et puis surtout, voilà, c'est même si Kiari, moi je pense que Kiari, moi je vais dire la vérité, Kiari c'est de la musique quand même, faut dire, un petit peu minimum commercial. Bah, c'est bon se vendre. Oui. Mais c'est sûr, ça reste quand même, je pense que ça reste une idole, donc c'est voilà, un produit, on va dire, purement commercial qui fait de la musique. À côté de ça, elle fait quand même du mannequinat. Oui. Et elle est styliste à 16 heures perdues. Oui, voilà. Et ouais, elle est, je sais plus, tête de gondole de la mode Harajuku aussi. Ah oui, d'ailleurs, on a eu droit à des papiers d'ailleurs. Ah. Ça, ils nous ont pas loupé. Mais voilà. Il y a quand même ce côté commercial qui est assumé, mais c'est une raison de mal faire. C'est surtout ça, moi, qui me plaît beaucoup. Parce que la musique est vraiment de qualité, c'est super bien produit. Bon, après, il y a toujours les voix trafiquées, mais c'est des voix trafiquées bien. C'est pas surarrangé à mort, c'est tout est fait aux petits oignons. C'est ça qui est assez impressionnant. C'est-à-dire que même si il y a toujours ce côté... d'ailleurs, c'est assez valable pour pas mal de groupes d'idoles aussi. Hein, c'est super bien produit. Bah c'est, ouais, à mon avis aussi, ils ont une autre culture de la musique, parce que chez eux, il y a beaucoup de petits bars ou studios, vraiment, pour pouvoir enregistrer. Parce que je me souviens, dans le manga Beck, c'est pareil, ça suit un groupe qui font de la musique, qui veulent se produire, et voilà, donc on voit quand même la vie des musiciens là-bas. Il y a plein de petites scènes, plein de moyens pour enregistrer leurs CD, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ouais, ils ont toujours été assez technophiles, donc c'est sûr qu'au niveau des enregistrements, mais ils aiment beaucoup se produire aussi dans les rues, tout ça, et forcément, on les embête toujours moins que chez nous, quoi. Parce qu'il y a des rues là-bas, je ne sais plus quel parc, je ne préfère pas dire de bêtises, mais où il y a beaucoup de... Bon, déjà, il y a déjà beaucoup de cosplayers dans ce parc-là, et on croise beaucoup de groupes aussi. Oui, c'est ça, c'est à la différence, on va dire, de la France, c'est que là-bas, ils vont dans la rue, ils s'entraînent, et ça a aussi un moyen pour eux de se faire découvrir, mais c'est beaucoup plus répandu chez eux que par chez nous. Parce que chez nous, ça va être le RER et on va dire c'est tout. Oui, voilà, faut comparer ce qui est comparable. Tokyo, c'est quand même beaucoup plus grand que Paris et beaucoup moins. C'est le souk, quoi. Oui. Donc, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ce concert ou... Non, ben moi j'ai trouvé ça super intéressant, donc si vous avez l'occasion un jour d'aller la voir, même un showcase, n'hésitez pas. Je pense que c'est quelque chose à voir, et si vous pouvez avoir des artistes japonais plus en général, allez-y, hein, foncez. Hein. Oui, de toute façon après oui, c'est de la musique, donc écoutez, faites-vous un avis, et puis voilà. Ouais, du coup, on va continuer ouais, par le, donc sur ton autre sur une autre sortie que t'as fait pendant cette période. Donc voilà, ça va être deux sorties même, l'autre un peu plus tard. Donc c'est deux sorties sur le même thème, sur le thème du comics cette fois. Donc je suis allé voir l'expo dont tout le monde parle, c'est à savoir l'expo l'art des super-héros. Alors déjà je vais commencer par, comme ça au moins les aura évacués, les points faibles. À savoir ouais. Que si on n'aime pas trop le comics, mais dans le sens l'œuvre papier, hein, pas les super-héros, ouais. C'est pas super utile d'y aller, quoi. Parce que franchement, en faisant ça, et si on aime que, par exemple, je n'aime que Thor au cinéma, voilà, on a assez vite fait le tour, quoi. Oui, oui, parce que Thor, c'est au final qu'un petit pourcentage de toute la production de comics. Donc, qui est, pour rappel, c'est la BD américaine. Donc, par rapport à ce constat-là, si on ne voit que les œuvres qu'on voit au cinéma, on ne voit pas grand-chose, en fait. Si on voit des choses bien, et si on n'y va que pour ça, ça fait un peu chiant. D'ailleurs, moi, je l'ai vite vu, parce que moi, en faisant le tour, parce que j'ai pris bien le temps de faire le tour... j'ai vu que j'étais complètement déphasé par rapport aux gens qui, eux, faisaient le tour plus rapidement. Oui, ils regardaient vite fait les œuvres et puis ils passaient à la suivante et ainsi de suite. Voilà, surtout que eux, les gens s'arrêtaient sur ce que moi je... C'est à la fois le point fort et le point faible de cette expo, c'est qu'il y avait les œuvres de... je crois que c'est Ryan Mercerlin, si ma mémoire est bonne. J'ai du mal avec les noms. Non, c'est le directeur artistique des studios Marvel. Donc il y avait beaucoup de ses œuvres et beaucoup d'œuvres d'artistes qui ont travaillé pour le cinéma aussi. Donc c'était des repos. c'était des repros en fait grandeur nature. Mais comment dire, c'est de l'art numérique. Oui. Donc du coup, parce que du coup on n'a pas présenté ce que tu as vu, mais c'est l'expo Marvel qui se trouve aux arts ludiques, c'est ça, hein? Ouais, elle se trouve aux arts ludiques, donc c'est assez facile à trouver, c'est très simple à trouver. Oui. C'est une espèce de grand bâtiment vert fluo. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Oui, parce que sur le site, ouais, il y a plein de moyens d'y aller. Donc c'est sur les docks de la cité. Les docks de la cité, ouais, c'est super simple à y aller. Il suffit même en sortant Gare de Lyon, en marchant un peu, on y est assez rapidement. Quoi. Oui, ouais, c'est ce qu'ils disent sur leur site. À 5 minutes à pied de la gare Austerlitz. C'est ça. Donc c'est ça, c'est. Non, c'est super simple à trouver. Après, ouais, voilà, donc, c'est 15€ la place. Ouais. Si on prend son temps pour observer, c'est de l'argent bien utilisé, et bien évidemment il y a des réductions après, et pour les enfants aussi c'est moins cher. Voilà. Donc maintenant que j'ai évacué les points faibles, au moins à savoir que si on vient que pour les œuvres du cinéma, c'est pas très rentable. On a vite fait le tour et voilà. Par contre, si on est un vrai amateur de comics, un amateur de comics minimum, un amateur de comics qui s'intéresse, hein, là, par contre, il y a une excellente plus-value parce qu'il y a à peu près 600 œuvres différentes qui ont été réunies. Donc, ouais. Des œuvres extrêmement rares, mais vraiment rares, des œuvres vraiment d'exception même, et qui ont été prêtées par des collectionneurs. Donc, on retrouve forcément, quand on est amateur de comics, j'ai fait une liste, enfin, mais c'est juste. C'est totalement impressionnant. Je vais citer quelques noms. On retrouve bien évidemment le king du comics, à savoir Jack Kirby. Créateur entre autres de Captain America, de La Torche Humaine, si ma mémoire est bonne, des 4 Fantastiques, des X-Men. Je ne mets pas Hulk dans le tas parce qu'il y a une polémique dessus. Une polémique dessus, à ce qui paraît qu'il serait vrai d'ailleurs. Ouais. Ça, je reviendrai plus tard sur un conseil d'achetage après avoir expliqué. Donc voilà, il y a du Jack Kirby. D'ailleurs, une grande partie de l'expo est dédiée à Jack Kirby, d'ailleurs, parce qu'il y a des beaux petits panneaux de présentation qui m'ont beaucoup touché à moi, parce que j'aime ces gens-là, du fond de mon cœur. Et donc, il y a une partie de présentation, bien évidemment, sur Jack Kirby, sur Steve Ditko, qui a entre autres participé à la création de Spider-Man. De Spider-Man, ouais. On voit, il y a aussi une. Alors, qui c'est qu'on trouve encore? Stan Lee, si ma mémoire est bonne. L'un des seuls scénaristes crédités, à mon grand regret. On retrouve aussi John Buscema. Et après, je ne me rappelle plus trop qui c'est qu'il y avait, mais c'était. Bon, enfin voilà, ça m'a beaucoup plu, ça, qui s'intéresse aussi au dessinateur. Oui, ouais, c'est pas seulement aux personnages liés aux grands scénaristes, mais il y a quand même les dessinateurs qui font, eux, vraiment l'âme du personnage. Mais d'ailleurs, c'est ça aussi le problème de l'expo, c'est que c'est un peu foutraque. C'est qu'on ne sait pas sur quel pied danser, parce qu'il y a le cinéma, il y a les œuvres de BD, il y a les super-héros, il y a les dessinateurs, du coup, on ne sait pas trop où on en est. Quoi. On ne sait pas si, tu as l'explication pour un dessinateur, mais tu n'as pas l'explication de la mythologie d'un héros, du coup, tu as l'explication de la mythologie d'un héros, tu ne sais pas trop où on est. En fait, c'est ça. En fait, c'est un petit peu confus, ouais. C'est un peu trop confus, c'est un peu trop pléthorique, c'est ça le problème, en fait. Mais moi, je dis souvent... C'est par envie de bien faire que c'est trop pléthorique. Ça se voit. On voit que ça a été fait par des gens qui aimaient ça. Ça transpire. Oui, et en plus, le comics, ça, on va dire, je mélange peut-être un peu, mais il y a au moins 70 ans d'expérience, de retour, de création, d'histoire. Donc c'est aussi un petit peu compliqué de faire un truc... vraiment aux petits oignons. Ah oui, surtout qu'eux, ils sont partis depuis... là, c'est vraiment... hyper loin, parce qu'ils sont partis de... Il y a une planche du tout premier Marvel, dessinée par Bill Everett, pour vous dire que ça date, la première histoire du Submariner, et ça date des années 40. Quoi. Donc c'est... Oui. Ça c'est du vieux. Oui, donc du coup, ouais, ils montrent vraiment la base, et ils reviennent un peu sur des temps forts, ça. C'est ça, après. Voilà. Après, ouais, c'est ça, c'est un peu tout mélangé dans tous les sens, quoi. C'est qu'il y a une grosse partie sur Captain America, et puis une grosse partie sur les 4 Fantastiques, il y a une petite partie sur Hulk, il y a une partie sur les X-Men, du coup, on arrive à Captain Marvel, enfin, je suis le seul à m'arrêter devant Captain Marvel, quoi. Et faut dire la vérité, les gens ne connaissent pas Captain Marvel. Les gens. Non, parce qu'il n'y a pas encore de film dessus et au niveau des sorties comics, je crois que. Ah non, Captain Marvel, c'est vraiment sous-évalué en termes de sorties comics. C'est un héros qui est tombé dans les, dans les oubliettes depuis quelques années. C'est un peu dommage, c'est un personnage intéressant, mais forcément. Ouais. Je crois, ouais, c'est du coup le nom a été repris par Carol Danvers, je crois, dernièrement. Oui, oui, pas un peu mal de Captain Marvel. Il y en a eu au moins 5, je pense. Oui. Donc voilà, c'est ça le problème. Si j'aurais vraiment sauté un gros problème de l'expo, c'est que c'est trop pléthorique. Si on ne s'y connaît pas un minimum en comics... Ouais, on est vite perdu parmi toutes ces infos. Ah oui, après, par contre, si on y va comme moi avec le recul que j'ai, parce que moi j'adore le comics, ouais. Et le comics, je dirais, c'est ma vie. Moi, je suis baigné dedans depuis que je suis gosse, donc c'était vraiment du bonheur. Parce qu'on voit des planches, enfin on voit des choses. Moi, de ma vie, j'aurais jamais pensé voir ça un jour, quoi. Voir des planches de Jack Kirby, parce que je vais raconter aussi le système américain. Donc on a généralement un dessinateur. Le dessinateur fait ce qu'on appelle un crayon. Non, c'est mon crayon. Et puis après, il est généralement ancré, soit par lui-même, s'il a le temps, c'est plus rare. Soit par une autre personne. Soit par une autre personne. Et là, il y avait ce que moi, je qualifie du plus grand encreur de tous les temps, à savoir Joe Sainaut. Je peux vous dire, quand on tombe sur les planches de Jack Kirby, qui était le roi du comics, ancré par l'un des meilleurs ancreurs de tous les temps, moi je suis resté mais bouche bée. Quoi. Surtout que c'est ça, les gens, il y avait marqué interdiction de faire des photos. Mais moi, mon père m'a dit pourquoi tu n'as pas fait de photos. Je lui ai dit à quoi ça sert de faire des photos. La page de comics, tu peux acheter un livre, tu as la page. Bon, certes, tu as la couleur en plus. Ça gâche un peu le travail du noir et blanc, parce que moi je suis un grand amateur de noir et blanc. Oui, c'est ça un peu le problème dans les BD, c'est quand tu vois une planche, on va dire, originale, sans ancrage, la planche ancrée et la couleur, souvent t'as plus, moi je sais que c'est mon cas aussi, j'ai plus une préférence pour la version ancrée. Mmh. On voit vraiment ce que l'auteur a voulu, le dessinateur a voulu mettre dans son dessin. Et ça, c'est le gros problème de la BD en général, quoi. C'est que tout ce qui est coloriste est des fois mal vu, mal considéré. Et pourtant, c'est un véritable métier. Oui, tout à fait. Moi, de toute façon, je ne donne que raison à ces gens-là, parce que quand on voit les planches, par exemple, d'Alex Ross, qui est un immense dessinateur, quand je vois les planches de Adi Gravok, qui est aussi un immense dessinateur, et quand je vois... Donc ça m'a fait plaisir. Il y avait des planches d'un dessinateur qu'on a perdu de vue, malheureusement, avec la faillite de son éditeur français, qui est à savoir Benjamin, qui est un auteur chinois, qui base toutes ses BD sur la couleur. Mais pas la couleur dans le sens le meuble est couleur bois. Non, non, c'est... Il prend la couleur dans son plus grand ensemble, à savoir que la couleur fait passer une émotion et ce genre de choses-là. Oui, tu veux dire que c'est plus la couleur qui va dire que c'est un meuble que en fait le trait derrière. Voilà, il y a le trait, mais c'est plus c'est la couleur poussée presque à son maximum. Quoi. C'est très fluo, c'est très criard, c'est quelqu'un qui prend la couleur comme rarement des gens la prennent, quoi. Sans vouloir faire preuve de réalisme. D'ailleurs, je vous laisse rechercher Benjamin sur Internet. Ça peut être simple d'ailleurs Bah, tu dois avoir un lien qui doit traîner. On mettra ça dans l'article. Comme ça, on pourra regarder ses œuvres. Voilà. Et puis maintenant, pour les trouver, comme l'éditeur, malheureusement, en France, a appelé les boutiques, c'est un peu compliqué. Mais moi, je vous recommande. C'est des œuvres qui sortent vraiment de l'ordinaire. Donc, on en était au coloriste. Donc là, ici, généralement, on a des planches en noir et blanc. Donc à savoir crayon et ancré. D'ailleurs, à noter que majoritairement, mais pas toujours, l'encreur est noté, ce qui est toujours appréciable. Parce que aussi, c'est des gens qui sont, comme d'habitude, sont crédités dans les comics, mais bon, ils sont généralement rarement applaudis. Oui, alors que c'est en fait, au final, c'est un ensemble de talents qui sont au service d'une œuvre. Ah oui, non, mais là je m'en suis rendu compte, mais avec une force, mais ça m'a bougé les tripes, parce qu'il y avait un moment deux planches de Jack Kirby, une à côté de l'autre, quasiment la même année, un an d'intervalle à peu près, mais c'était pas du tout le même encreur. Ouais. Et t'as vu la différence Ah mais c'était flagrant. Avec mon père, on en parle souvent, que des fois il y avait selon les encreurs, on arrive pas au même résultat. Et on reconnaît presque plus la patte du dessinateur. C'est ça qui est assez impressionnant. Oui, parce que du coup les encreurs s'approprient le dessin de leur façon, avec leur vision. Et voilà, c'est ça aussi, c'est ça qui est assez particulier en fait, parce que c'est quelqu'un, dans l'inconscient collectif, c'est quelqu'un qui repasse en fait, c'est quelqu'un qui passe dessus, qui fait de l'ombrage. Sauf qu'il amène aussi sa patte artistique derrière. Et le gros souci, c'est que les gens ont du mal à voir ce qu'il peut apporter, mais l'ancrage, c'est l'ancrage, c'est un art. Hein. Mais vraiment, hein, parce que quand on voit. J'ai vu des planches, mais j'étais pas hilar, mais parce que c'est quand même des belles pièces. Il y avait des trucs, mais c'était ancré, mais. Je faillis pleurer, j'ai fait, mais c'est pas possible. Oui, c'est ancré avec les pieds, c'est. Voilà. Voilà, en plus, il faut rajouter derrière que certains dessinateurs débitaient je ne sais combien de pages par jour. On n'a pas la version juste crayonnée, mais je pense que certains crayonnés devaient être fandang, quoi. Ça devait être trois bonhommes dessinés à la va-vite, et c'était l'encreur qui faisait tout. Moi, je suis persuadé. Certains titres, vu les cadences infernales qu'ils avaient. Oui, c'est comme tout. Si un artiste a plus le temps de s'appliquer, de prendre justement le temps à faire son dessin, il peut être que mieux. Oui, surtout que non, mais là, il y a des artistes à l'époque, là, comme il y a pas mal de. Bon, forcément, la patine du temps met en avant les anciens, comme d'habitude, parce que c'était toujours mieux avant. Il y avait ces artistes, moi, que j'appelais les forçats, hein, parce que maintenant, je ne dis pas qu'ils travaillent moins, mais qu'ils travaillent quand même mieux, dans de meilleures conditions. Avant, c'était la chaîne, quoi. Des gars comme Jack Kirby, ils ont passé leur vie sur une planche à dessin. Ils ont pondu j'ai vu la biographie de. J'en reparlerai plus tard, de Jack Kirby. Mais c'est juste impressionnant tout ce qu'ils ont fait, quoi. Mais des fois, ils n'étaient même pas crédités. C'est ça le pire, c'est qu'il y a des œuvres qu'on ne trouve pas. Oui, c'est vrai. Je crois qu'ils en ont parlé dans le. Je sais pas si tu l'as vu, mais le reportage sur les comics qui est passé sur Arte. Où justement, ils revenaient sur les débuts jusqu'à nos jours. Bon, un peu vite fait, mais ils montraient que justement, ça venait d'apparaître. Ils devaient faire des pages vite. Ils n'étaient pas forcément crédités. Donc là, je crois que c'était pour Superman où ils n'étaient même pas crédités pour leurs œuvres. Et voilà, alors que c'était eux qui avaient créé le personnage. Oui, les créateurs de Superman, jusqu'à. Ils se sont fait. Je vais utiliser un mot qui vient de chez nous, ils se sont fait bananer, m'ont dit. Jusqu'à la sortie du film, en fait. Ils n'étaient pas. Ce qu'ils ont montré dans le documentaire, c'est qu'ils n'étaient pas. Ils n'étaient pas considérés. Ils n'étaient pas crédités. Ouais. Ils n'étaient pas considérés comme les pères. Et bon, c'est bien dommage, quand même. Bah, ouais. Ah non, mais Jack Kirby a sorti des œuvres, d'ailleurs, j'en ai à la maison, c'était sorti sur des trucs d'époque, en fait. Avant, on n'allait pas chez le libraire, il n'y avait quasiment pas de libraire, on allait en presse et il y avait c'était pléthorique l'offre, il y en avait partout. Et on ouvrait les magazines, on dit Jack Kirby, et il y avait marqué nulle part Jack Kirby. Donc ils ont sorti un Mordor. Après, c'est pareil pour les autres, donc les Steve, tout ça, à l'époque, mais ils travaillaient, mais c'était impressionnant. Et là, du coup, on peut voir comment il travaillait. Le travail est super. J'ai pas bien saisi comment il travaillait. Finalement, il y a des planches où il n'y a pas beaucoup de retouches, il y a des planches où il y a beaucoup de retouches. Oui, ça dépend peut-être du style ou de leur temps devant c'est eux. Ça, ouais. Ou si l'inspiration venait d'un coup, bah hop, il te faut une planche directement. Voilà, c'est ça. Et j'en reviens du coup au truc de ce que je disais tout à l'heure de l'appareil photo. Ça sert à rien de prendre ça en photo, en fait. Parce que déjà, il y a la vitre, du coup, on perd du détail. Et c'est ça, moi je suis venu pour voir le détail, pour voir ce qui fait que, alors est-ce que l'encreur a vraiment suivi le trait qu'il voulait mettre. Par exemple sur les planches de Jack Kirby, on voyait l'emplacement du lettrage. C'était aussi sur quelqu'un encore qui refaisait le lettrage, on voyait l'impact du lettrage. Et ça c'est vraiment impressionnant, quoi. Et après on voit les petites astuces aussi, tu vois, quand t'as le titre en gros, il y a certaines, et que tu as le héros genre, qui est par-dessus le titre. Ouais. Et bien si tu veux, il y en a qui c'est... Fait le titre comme il faut, mais ils n'ont pas fait le personnage, tu vois. Ils l'ont collé par-dessus, en fait. D'accord, oui, ils ont fait un montage. Voilà, ils ont fait du. Un montage, en fait. Ouais, ils ont fait du Photoshop à malheur, quoi. Oui. Et ça, c'est impressionnant, quoi. Tu vois, les tout, tu vois. Déjà, à l'époque, ils utilisaient vachement le blanco, mais c'était plus pour corriger, tu vois. Il y a certains auteurs qui l'utilisent pour refaire le noir et blanc. Certaines zones vachement ombrées. Et ça aussi, on le voit, tu vois. C'est ça qui est assez impressionnant. Oui, mais en même temps, c'est pour ça qu'il y a des expos de ce genre-là. C'est pour vraiment voir comment est l'original, comment ils ont travaillé dessus. Ah oui, non, mais c'est pour ça. C'est vraiment. Et là, c'est là qu'on voit vraiment que c'est des artistes et que les gars, ils se bougent. Ils en ont. Ah oui, non, mais moi, j'ai la liste de tous les gens que j'ai vus. Il n'y a que des, ce que j'appelle les sommités. Donc, je vais en dire quelques-uns. Je dis bien évidemment Jack Kirby et Joe Sinnott qui marchaient beaucoup sur les 4 Fantastiques. Ouais. On a Neil Adams. Alors Neil Adams était beaucoup plus connu pour tout ce qu'il avait fait sur Green Lantern et Green Arrow chez DC. Et chez Marvel, il est plus connu pour les X-Men. Un excellent dessinateur aussi. Il y a Mike Zeck qui était connu pour Captain America, Alex Ross, dont nous reparlerons un petit peu plus tard. Dans des auteurs comme Don Heck, donc Billy Everett, qui est l'auteur le plus. L'un des tout premiers, un pionnier presque, donc c'est celui qui a créé le Submariner, donc avant dans les années 40, donc pour dire que ça date. Ouais, donc entre guillemets, le premier super-héros. Oui, voilà, c'est ça, grosso modo, c'est ça. Ouais. Et là aussi, on voit le recul et le changement de style entre les années 40, parce qu'il a, ouais. Il a eu une grosse période d'activité jusqu'aux années 60. On voit beaucoup de. On voit le changement de trait, quoi. C'est ça aussi qui est impressionnant. On sent vraiment qu'il y a eu des influences et que son trait a évolué, quoi. D'ailleurs, j'ai fait le même constat sur Jim Lee, si vous voulez. Il y a deux planches de Jim Lee qui sont à 2 années d'écart. Là aussi, on voit l'évolution du trait. Oui, bah, de toute façon, ça, les auteurs, les dessinateurs, ils ont l'habitude de travailler. Du coup, leur trait s'affine, ils adoptent de nouvelles techniques, oui. Ah non, mais c'est vrai, c'est assez impressionnant. Donc après, on retrouve aussi Bruce Timm. Alors, Bruce Timm, en tant que dessinateur, il est pas très connu. Par contre, il est très connu pour avoir fait les designs de la série Batman, la toute première. Vous savez, le dessin animé, et de Superman, l'ange du Métropolis. C'est vrai que, il n'y a pas un projet de film, justement, de Bruce Timm avec ce design-là. Je crois. Qui est prévu. Si. Ah, c'est un très grand dessinateur. Il me semble que j'ai vu des... Oui, bah, c'est vrai, c'est le Batman de notre enfance. Il est plutôt pas mal et il est cher à nos cœurs. Oui, surtout qu'en plus, il s'était armé à l'époque d'une bande d'animateurs qui était d'exception, quoi. Ils avaient pris les meilleurs de l'époque. Après, on retrouve Carlos Pacheco, qui était plus connu pour des œuvres des années 90. Il avait un design un peu, comment dire, sur les X-Men, tout ça. Un peu, ce design un peu cartoon comics. Vous voyez ce que je veux dire, un peu... Oui. Après... Oui, un peu, ouais, enfantin, voilà. Mignon. Bizarrement, c'est le seul des années 90, l'un des rares des années 90 qu'on retrouve, parce qu'à l'époque, c'était... Tout le monde essayait de faire du Jim Lee. C'était pas ça. Et personne n'y arrivait. C'est ça, voilà. On reconnaît le géniteur parce qu'il est encore connu, quoi. Donc après, ce qui m'a fait aussi beaucoup plaisir, la seule femme de l'expo, Marie Severin. Ah oui. Alors elle était... Pourtant, il y en a quand même quelques... Il y avait Sarah... Une de dessinatrice. Ellie. Ouais. Bon, après, c'est vachement plus contemporain, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Oui, parce qu'à l'époque, Marie Severin, c'était la seule femme du monde du comics. À part si j'enlève peut-être ceux qui faisaient le lettrage, tout ça, mais c'était la seule dessinatrice. Oui. Et comme elle a fait vachement de couverture pour Hulk. Elle a fait aussi des séries, malheureusement, mais elle était cantonnée qu'à des séries humoristiques. Mais son trait de crayon est assez impressionnant. Moi, je pense qu'elle dessinait beaucoup mieux que beaucoup de dessinateurs masculins de l'époque. C'est dommage qu'il lui ait pas donné plus d'ampleur quand même, parce que. Quand j'ai vu le trait, je suis resté assez. Je suis resté pantois. Oui. Non, parce que je pense que déjà. Le milieu devait être assez. Déjà, être très très masculin. Je pense que déjà, pour faire ses gammes dans ce milieu, c'était très compliqué. Alors, je pense pas qu'il aurait donné beaucoup de séries quand même. C'est un peu dommage. Je pense qu'elle aurait gagné à être plus connue. Après, on retrouve donc le grand John Buscema. Il a fait énormément de séries, les 4 Fantastiques, qui a fait encore beaucoup, beaucoup de Conan. Ouais. On retrouve son frère, Sail Buscema, qui a fait aussi une très bonne carrière en tant qu'encreur. Donc après, on retrouve John Byrne. Don Jorby, c'est l'un des dessinateurs les plus connus de l'époque. En gros, il a fait l'un des meilleurs runs des X-Men. Il a travaillé sur Iron Fist, il a travaillé encore chez DC, il a fait du Superman, donc c'est... Un des plus connus de l'époque. On retrouve aussi John Romita Senior, qui a travaillé sur Spider-Man, et John Romita Junior. Il travaille actuellement sur Captain America. Qui travaille sur Captain America et qui va travailler sur Superman. On retrouve aussi petit, un très bon encreur, c'est bon dessinateur, Mike Esposito. Et après, je vais me contenter juste de citer quelques-uns. Donc, on retrouve Jim Starlin, on retrouve Joe Madureira, on trouve Jim Lee, il y a du David Finch, il y a du Cockrum. Il y a aussi une planche, ça m'a fait plaisir, de Jim Steranko, que je vous recommande de regarder son travail. Il a fait à une époque un run formidable, vraiment formidable graphiquement sur Nick Fury. Ouais. Ça sortait vraiment des canons de l'époque. Hein. Des choses très... C'était vraiment artistique, en fait. Ouais. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de ce documentaire qui était passé sur Arte. D'ailleurs, ils en parlaient très bien ouais. là-dessus. Après, on retrouve bon, des gens un peu plus récents, comme Olivier Copiel. Un petit français. Un petit français. Hein. Qui, d'ailleurs, on va rajouter ça. Il passe des petites vidéos. Donc, ouais. On voit Stan Lee qui nous explique que les super-héros Marvel, par rapport aux super-héros DC, ils ont des problèmes existentiels. Ils ne peuvent pas payer l'essence pour leur mobylette, en gros. Et on voit aussi Olivier Copiel travailler. Et voir Olivier Copiel travailler, c'est juste dégoûtant. Parce que... Pourquoi ? Parce qu'il a un talent, mais monstrueux. Je comprends. Chez Marvel, je comprends pas qu'ils l'utilisent plus sur des trucs de meilleure qualité. Parce qu'ils ont la poule aux oeufs à la maison. Ils vont se la faire voler un jour. Oui, bah c'est vrai, il a fait... je sais plus si c'est récemment, mais je sais que la dernière fois que j'ai vu ce travail, c'était sur Fear Itself. Ouais. Et ça envoyait quand même du pâté. C'est l'un des meilleurs dessinateurs de sa génération, et de loin. Hein. Après, bon, en récent aussi, on retrouve Frank Cho. Pas la peine d'en parler. On retrouve Brian Hitch aussi, et du Stuart Immonen aussi. Oui. Voilà. Après, il y a des planches encore. C'est ça. On peut être que exhaustif, parce que c'est ça. Tout est un enchaînement parce qu'il y a des fois 2-3 planches d'un dessinateur qu'on connaît bien et qu'on s'attendait pas à voir. Quoi. Il y a du Gabriel Delotto, on voit du... qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y en a tellement. Il y a du Todd McFarlane, bien évidemment. Oui, ouais, c'est ce qu'on disait. En fait, il y a tellement de vécu dessus que il y a plein d'artistes de talent qui sont passés sur chez Marvel, et du coup ouais, c'est un peu difficile de vraiment sélectionner tout le monde ou juste une personne ou oui voilà. Parce que si comme je te dis, il y a 600 heures donc tu découpes oui. Si t'en mets parce que bon, une grosse partie est quand même dédiée aux gros dessinateurs, savoir Jack Kirby qui doit avoir 60 ou 50 planches, une galerie ouais, pour lui quasiment une galerie oui. Pour lui t'enlèves John Byrne et t'enlèves John Buscema, qui sont les plus connus du secteur chez Marvel, surtout. Je dis pas qu'il reste pas beaucoup pour les autres, mais de suite, ça va vite. Vu que Frank Cho, oui. C'est genre une planche, Stuart Immonen, ça va être deux planches. Et ça que ça va être aussi difficile pour ceux qui créent des expositions, c'est quelle planche choisir, celle qu'ils ont déjà à disposition, mais après, quelle planche choisir à oui, exposer. Comment la mettre en valeur, tout ça, c'est un gros problème. Ouais. Parce que bon, les collectionneurs, je suis pas toujours sûr qu'ils prêtent leur meilleure planche, quoi. Parce que bon, il y avait des planches qui sortaient de trucs un peu limite. C'était pas les planches du siècle, hein. C'était joli à voir, mais c'est pas les planches du siècle. Donc c'est là qu'on se dit qu'est-ce que ça aurait été, d'autant plus si ça avait été les planches du siècle. Bon, par exemple, pour Mike Zeck, qui a travaillé sur. Qui a été formidable sur Captain America, il y a des planches, hein, mais rien que pour ça, faut y aller. Quoi. Le travail est juste beau. Après, pour les autres héros, genre Iron Man, bon, on trouve des planches classiques des dessinateurs de l'époque. Quoi. Si bien, mais sans plus. Et le pire, c'est que, moi j'ai noté, il manquait du monde encore. Oui, bah forcément. Et en plus, mais pas des gens qui sont. Bon. Oui, pas des inconnus, c'est des auteurs voilà, d'importance. Genre, si je prends Joe Kubert et ses deux fils, ils n'y étaient pas. Donc, et pourtant, c'était des gens à l'époque, et même des gens qui travaillent encore, qui en font énormément. Je crois même, je ne me rappelle pas, je pense pas avoir vu du Dave Gibbons, qui a travaillé chez Marvel avant d'aller faire Watchmen, qui n'est pas n'importe quoi. On pourra noter aussi qu'il n'y avait pas de Jean Giraud, donc à savoir Moebius, qui avait travaillé chez Marvel Moebius, un petit oui, peu. Ouais. Qui a fait aussi un très bon surfeur d'argent. Excellent même, d'ailleurs, à lire sur un bien. Donc, il manque des gens comme ça, et puis j'en oublie encore une tripotée, c'est ça qui est assez impressionnant. Quoi. Donc du coup, parce que je pense que tu as fini de parler dessus, parce que sinon, on pourrait encore pendant longtemps. Donc ça, c'était l'Expo Marvel qui se trouve aux Arts Ludiques, au Musée des Arts Ludiques. Je le recommande très chaudement si on est amateur de comics. très très chaudement. Ouais. Donc du coup, ouais. Et vous pouvez encore aller le voir parce que l'exposition se terminera le 31 août 2014. Donc vous avez encore le temps de voir si Gandalf vous a donné envie d'y aller. Bah, toujours allez-y, le conseil classique, voilà. Si vous pouvez y aller en semaine. Alors toujours un peu moins de monde. Il doit y avoir moi je suis tombé sur des familles c'est, avec des poussettes et tout. C'est un peu le brouhaha, quoi. Quelle idée aussi d'emmener des gamins de bas âge dans des expositions. Déjà, comme je l'ai dit, déjà, les parents, ils n'ont pas forcément la culture, alors les enfants... Après... À moins, bien sûr, si c'est vraiment passionné ou, voilà, ils ont toujours baigné dedans, bon, là, ça peut se comprendre, mais des vraiment, pas des nourrissons, mais des petits bébés comme ça, ouais, moi, ça m'a toujours fait bizarre de voir ça dans des expositions, pas seulement pour du comics, mais des peintures ou dans des musées classiques. Ça m'a toujours fait bizarre de voir des oui. enfants. Du coup, t'as pas le temps d'apprécier ce que tu vois. Oui, surtout ça. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut y aller, quoi. Donc maintenant, on va embrayer sur l'expo Alex Ross. Alors déjà, l'expo Alex Ross, c'est beaucoup plus petit. Hein, faut dire la vérité, c'est pas pareil, quoi. Ouais, donc ça se trouve où ? Alors ça se trouve, je crois, c'est à l'ambassade, ça s'appelle Mona Bismarck, je n'ai pas bien compris ce que c'était, mais c'est assez facile. C'est sur le site, ouais, c'est Mona Bismarck American Center. Ouais, c'est un peu, j'ai pas bien compris ce que c'était, mais c'est assez facile à trouver parce que c'est sorti Trocadéro, c'est vite trouvé. De suivre je crois que c'est l'avenue Kennedy, si ma mémoire est bonne. Et on y arrive assez facilement. D'ailleurs, c'est écrit assez en gros dessus, exposition Alex Ross. Oui, donc on repère facilement l'endroit. Ça se repère assez facilement, même en voiture, en passant, je pense que les gens le voient. Donc c'est pas... c'est peut-être même plus facile qu'à trouver que l'expo Marvel, parce que c'est écrit assez gros, quoi. Ouais. Donc du coup, ouais, on va faire un petit point directement dessus. Donc ça a commencé du 5 mars et ça se termine le 15 juin 2014. Donc, un petit mois. Là, par contre, un petit mois, il faudra se dépêcher pour voir, parce que je sais pas quand est-ce que je vais sortir cet épisode-là. Enfin bon, tu feras un retour dessus et c'est ce qui compte. Donc, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors déjà, je trouve que c'est un excellent complément à l'expo qui a été fait avant, parce que ici, tout est beaucoup... Non, il y a beaucoup moins de trucs, mais c'est beaucoup plus détaillé dessus. Ouais. C'est que centré du coup sur Alex Ross. Voilà, et sur l'univers DC en général, parce qu'il a beaucoup travaillé chez DC, même s'il a fait Marvel chez Marvel. Voilà. Il y a un livre très bien à lire, d'ailleurs, si un jour vous pouvez le feuilleter, n'hésitez pas. Donc, Alex Ross, voilà, qui est un dessinateur qui sort un peu de l'ordinaire, parce qu'il travaille beaucoup. C'est à la gouache, si je me rappelle, ou c'est à la gouache, ouais. Donc, ça change du style des autres dessinateurs, qui eux font souvent que le noir et blanc et apparemment de la couleur. Donc ici, on a ce que moi j'appelle des vraies œuvres. D'ailleurs, il y en avait. C'est des œuvres originales. C'est vraiment c'est vraiment du très beau travail, quoi. C'est vrai que ça change par rapport au noir et blanc que je venais de voir, mais surtout en plus que les œuvres étaient bien contextualisées. De rappeler quel était le personnage, quelle était sa mythologie. Oui, donc il y avait quand même une belle présentation par rapport... Quand tu avais Superman. À l'Expo Marvel. Oui, par rapport à l'Expo Marvel, ça a changé, ouais. Donc déjà, quand tu arrives, tu as le contexte du comics en général, à savoir l'âge de platine. Alors, je ne sais même pas que ça existait, l'âge de platine. Hein, tu as l'âge d'or. C'est l'âge d'actuel ? Non, c'était le premier âge. C'est l'âge, mais c'est le bout. C'est les dinosaures, là. Je sais pas que ça existait. Bon, après, tu as l'âge d'or, donc l'âge d'or, c'est la création de Captain America et des choses comme ça. C'est un peu les créations de Batman, tu vois, tout ça. Ça commence à partir de là, tu vois. Donc il y a 75 ans à peu près, ces eaux-là. Tu contextualises tous les âges. Là, on en est à l'âge, je ne sais pas quoi. Vu qu'on est sorti de bronze, là, on est dans les métaux qui doivent être tout pourris maintenant. Ouais, il doit y avoir Ruby, Saphir comme les versions de Pokémon, probablement, parce que je pense que après les années 90, on ne peut faire que mieux maintenant, parce que c'était pas la bonne époque. Donc voilà, donc on a une belle contextualisation de Alex Ross par rapport à l'œuvre, où c'est qu'elle se place, son œuvre, et par rapport où lui se place aussi, c'est ça qui est assez intéressant. Qui nous explique ce qu'il regardait quand il était jeune à la télé, par exemple. Il a été très influencé par... je sais que... Peu de gens vont connaître, ça s'appelait le... Alors chez nous, ça s'appelait... Le nom est horrible. Ça s'appelait le Plein de Super. Et qu'est-ce que c'est que le Plein de Super ? En gros, c'est la Ligue des Justiciers, mais dessinée par Anna et Barbera. Donc en gros, Scooby-Doo et les Schtroumpfs qu'ils avaient sortis à l'époque. Et Il a été influencé par ça. Donc je vous recommande d'ailleurs d'aller voir des vidéos YouTube. Vous tapez Batman voix de couillon, vous comprendrez de suite. C'est, chez nous, ça a été doublé, enfin, magnifique. Et c'était vraiment ce dessin de Anna et Barbara, quoi. C'était, ils vont que dans un sens, les personnages. Il y a pas, y a pas cette profondeur, d'accord. Tu vois ce que je veux dire. Il a été influencé par ça. Après, bien évidemment, par d'autres œuvres. Mais c'est assez bien expliqué, ça, qui est intéressant, quoi. Et donc, une grosse partie est consacrée à ces reproductions qu'il avait fait à l'époque des. Ces redessins de. Qu'il avait fait des personnages d'essai. En disant ce que lui voyait du. Ce que lui voyait du personnage et voulait représenter. Par exemple. Oui, donc c'était vraiment sa vision du personnage. Par exemple, lui, il met. Moi, je n'aime pas les Batman des films de Nolan. Le mec clair et net, ouais. Mais moi je préfère le personnage tel qu'il avait été créé, c'est-à-dire sans Batmobile, sans Bat-hélicoptère. Oui, sans gadget, vraiment lui, ouais, lui tout seul. Lui tout seul, l'esprit vraiment détective. Et ça d'ailleurs, ça se voit dans le personnage, dans la façon de le dessiner, très, très noir, très assez simple, tu vois. Pour Superman, c'est pareil, il donne d'ailleurs des astuces, mais pour moi, Superman... il doit représenter la force, donc il met, je le représente souvent, les poings fermés. Je représente le tu vois, le menton, la tête bien carrée, carré, tu vois, la tête bien levée, tu vois, qui regarde vers l'horizon, tu vois. Oui. Et c'est vrai que et là, tu regardes l'or, tu lis ça, tu regardes l'or, tu fais « Ah oui ». C'est ça qui est vraiment bien, c'est super bien contextualisé. Après, c'est vrai qu'il y a des... Oui, c'est vrai, si tu as les explications en plus, tu remets plus, tu peux plus encore passer du temps sur l'œuvre à voir les détails et faire « Ah bah oui, c'est vrai, il a bien mis en scène la façon dont il a voulu le faire. Oui, surtout qu'en plus, il n'hésite pas, à mettre des personnages qui sont moins connus. Il n'hésite pas à mettre Aquaman, le personnage qui fait rigoler tout le monde, mais qui est bien. Oui, bah oui, il paraît que depuis quelques temps, depuis les New 52, ça commence à revenir pour Aquaman. Ça fait depuis les New 52, c'est quand même autre chose. C'était un personnage qui était, on l'avait fait un peu mourir parce que ça arrangeait un peu tout le monde, tu vois. Parce que c'était pas terrible, quoi. Mais voilà, quand tu vois le Aquaman de Alex Ross, tu te dis, c'est un personnage quand même qui est bien. Lui-même le dit, c'est un personnage qui est sous-évalué et qu'il a essayé d'en faire quelque chose de beau, tu vois. Et ça aussi qui est bien, il y a beaucoup de recul, tu vois, par rapport à ce qu'il fait. Oui. Là, c'est vrai que je suis en train de voir là des images justement de son Aquaman, c'est. C'est plutôt pas mal. Non, mais après, il a pas hésité à faire l'extraterrestre Martian Manhunter, qui est aussi super bien fait, ouais. Et à Flash. J'aime beaucoup l'explication de Flash, parce que sur ses dessins, pour certains personnages, il y a ce qu'on appelle la version Golden Age. En gros, ouais. La version qu'il y avait avant, qui refonde une première fois l'univers DC. En gros, c'est le Flash, peut-être vous l'avez déjà vu, c'est le Flash avec le pantalon bleu, le haut rouge avec un éclair pas terrible, et avec un gros casque avec des ailes. Ça, c'est le premier Flash. Oui. Et après, il y a le pareil pour Green Lantern, il y a le nouveau Green Lantern tel qu'on le connaît, avec le costume noir et le masque, et l'ancien avec une grosse cape, habillé tout en rouge et le masque. Et les deux sont sur la même image, et ils te donnent l'explication. Green Arrow, pas Green Lantern. Ah non, Green Lantern. Oui, il y a un ancien aussi, le Golden Age, qui est pas très connu, j'avoue. Celui-là, beaucoup moins que le Flash du Golden Age. Mais il y en a eu un, il avait un loup, quoi. C'était un loup avec une cape, là, et c'était fini. Et d'ailleurs, les deux personnages sont bien contextualisés, d'ailleurs, ça aussi, c'est assez intéressant, et tu as l'avis de l'auteur. Donc après, forcément, on te montre ses œuvres majeures. Donc il a travaillé sur Marvel, que je vous recommande de lire, qui est l'histoire d'un journaliste. Un reporter qui fait des photos sur les super-héros, et cette histoire est racontée par lui. Donc on suit les premiers pas des super-héros, tout ça. C'est bien dessiné, je vous recommande de le lire. Donc ça, c'était sa première œuvre qu'il avait sortie à l'âge de 20 ans, d'ailleurs, par là. C'est assez impressionnant. Et donc, avant ça, ils nous mettent des œuvres originales qu'il avait fait lui. En gros, des dessins qu'il avait fait quand il avait 13 ans. C'est assez rigolo, quoi. Oui, parce que du coup, il montre vraiment tout, vu que c'est une exposition centrée sur lui, il montre tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'il a pu faire. On voit son évolution, on voit l'évolution, quoi. C'est ça qui est bien. C'est ça qui doit être bien quand c'est une expo vraiment centrée sur une personne, du début jusqu'à aujourd'hui, pas forcément à la fin, mais jusqu'à aujourd'hui, du moins. Et on voit l'évolution de son trait, les nouvelles techniques et tout. Ce serait ça Ouais, peut être pas après, mal. je trouve que ça manque un peu de. Il manquait de... Parce que c'est assez petit, donc je trouve qu'il manquait un peu d'œuvre pour encore un peu étayer le sujet, tu vois, pour Ouais. bien redécouper la création, parce que comme il travaille à la gauche, je crois que c'est Marcel, c'est la gauche, c'est ça, ouais. Comme il fait du crayonné d'abord, ça, on le voit à un moment, mais c'est un peu petit, quoi. Tu vois pas le. Tu vois, tu sens pas bien le vraiment la création de l'or, quoi. Et moi j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, quoi. C'est pas non plus, ça coûte pas. Je crois que ça coûte 7 € l'entrée. Oui, ce que j'ai vu, ouais, c'est 7 € l'entrée, prix adulte, prix réduit 5 € et enfant moins de 12 ans, entrée gratuite. C'est Non mais même ça en va. plus je trouve ça beaucoup plus intéressant pour les enfants même. Du coup, comme il y a Oui, c'est plus c'est plus ludique ludique, peut-être. voilà, parce qu'il y a forcément ça va leur plaire ça plaît à tout le monde, ça, quand on voit qu'avant, ben, Alex Ross, quand il était petit, il dessinait bien, mais pas trop quand même. Et ça fait Oui. toujours plaisir, tu te dis, ah, mais si, en travaillant, même s'il faut quand même du talent, il faut dire la vérité, tu arrives à faire quelque chose quand même. Oui, puis même l'enfant peut se dire, ah bah je dessine à peu près pareil, ça se trouve je peux avoir une carrière Oui, voilà, comme ça lui. fait bien. Il y a cette, comme je dis encore, le contexte, c'est tout est contextualisé. C'est ça qui est intéressant aussi. Du coup, ah, mais papa, qui c'est le. Parce que l'Expo Marvel, c'est ça, c'est des enfants qui posent. Et qui c'est le super-héros, la fois. Bah je Voilà. sais pas. Alors que là. Il n'y a pas une petite pancarte pour présenter le Voilà, tu as personnage? marqué l'Expo Marvel, tu as marqué planche Captain America, dessinée par Jack Kirby, ancrée par. Si encore c'est l'encreur est noté. Et voilà. Alors que là, quand tu es devant Batman, il t'explique, ben, ce que je t'ai dit, qu'il n'aimait pas les Batman de Nolan et tout ça. Et tu vois, il a été créé en 1936, si ma mémoire est bonne, comme ça. Bah, après, ouais, en comparant les deux, c'est peut-être parce que justement, l'expo Alex Ross est plus recentré sur lui, alors que l'expo Marvel, c'est Marvel, donc il y a tous les auteurs, Oui, tout le monde. voilà. De... Donc il y a peut-être de Oui, de ça toute aussi. façon, à l'Expo Marvel, ils auraient voulu tout contextualiser, enfin, mais possible, quoi. Oui. Ça leur a pris une place folle, quoi. Et c'est ça, tu vois, et là du coup j'ai vu deux expos qui étaient complémentaires mais à la fois très différentes. Oui, parce qu'en plus ça couvre bah, le même C'est ça. univers. Et en plus, il devait y avoir aussi des planches d'Alex Ross Ah dans oui, il y en l'expo avait. Marvel. C'est des planches qui sont magnifiques, hein, d'ailleurs, hein, avec ce Du dessinateur. coup, ouais, ça fait un bon complément sur C'est les ça. deux. Après, ouais, c'est vrai que moi je trouvais ça peut-être un petit peu petit. Ouais, je Ouais. trouvais que ça manquait un peu de 2-3 œuvres, tu vois, pour étayer un peu plus le propos, quoi. Dommage, mais moi je pense que c'est une expo à faire aussi parce que c'est intéressant, quoi. On voit des originaux Ok. et Oui. Est-ce qu'il y a par exemple des work in progress où tu vois juste l'original, bah le on va dire le crayonné et ben, il y en puis a la ça il y planche en a qu'un à finale. un moment et c'est sur du format A5, quoi. En gros, plus petit que du A4, donc de Ouais. suite c'est un peu du mal, quoi. Oui, ça aurait peut-être mérité d'avoir bah, peut-être du A3, ils doivent travailler sur du A3 quand c'est pas du numérique, donc au moins ça Oui, au moins, moi pour vraiment j'aurais bien bien aimé voir. qu'ils battent, tu vois, 2-3 à 4, tu vois. Mais vraiment beau, et qu'ils te Ouais. mettent le crayonné, parce qu'il l'ancrage, parce qu'il ancre. D'ailleurs, ça aussi, tout ça c'est contextualisé aussi, il te met, donc au début on fait le crayonné, après on fait l'ancrage, et après je fais la couleur. C'est bien expliqué, tu vois. Oui, donc ouais, oui, donc c'est vraiment ludique, donc ouais, ça peut vraiment plaire aux enfants en Ah mais mon grand, expliquant de toute façon. voilà comment ils travaillent. Super intéressant. Hein. Après, c'est vrai que les œuvres sont petites, hein, du coup, quand c'est étayé, t'es là, tu te dis, toi, t'aurais aimé Oui. le mieux le voir. Après, bon, c'est bien. Après, je vais revenir aussi sur l'expo Marvel, parce que du coup, généralement, pour les expositions, on édite des livres. Donc, pour l'expo Oui, Marvel, il y a un oui. livre, à la fin, qui est intéressant d'ailleurs. Et par contre, pour l'expo Alex Ross, forcément, on n'en a pas, quoi, parce que comme c'est petit. Mais bon, ils ont le bon goût de vendre des livres qui Ouais. sont sortis chez Urbain. Je vous laisse aller chercher les sapins. Ouais, Pour Alex Ross, ils en ont sorti 4-5, donc ça se trouve. Et donc, ils ne vendent que ça. c'est tout ce que tu avais à dire Oui, dessus? voilà, sinon, mais j'ai beaucoup apprécié ces deux expos qu'ils ont fait avec Google, je trouve. Ça fait plaisir. Ouais. Ça prouve bien que les auteurs de comics et de BD en général sont des artistes. Et ça m'a fait relativiser aussi sur certaines choses. C'est qu'en France, on n'a pas à se plaindre. On a aussi des auteurs d'exception. J'aimerais qu'un jour, on leur dédie de belles expos aussi. Oh, ça va Oui, on arriver, a bien ça. fait une expo. J'y ai participé d'ailleurs, l'expo Les 40 ans de rang, il y a Oui. quelques années déjà, ça date déjà. Et c'est vrai que pour avoir vu finalement, tu vois, parce que On aime bien, tu vois, quand c'est étranger, on aime bien, surtout les États-Unis, c'est fort, c'est brillant. On aime bien les surélever, tu vois, les mettre sur le piédestal. Et finalement, je me rends compte que, ben, je vais peut-être en français certains, mais que certains Français travaillent beaucoup mieux. Parce qu'eux, ils n'avaient pas d'encre. Ouais. C'est ça qu'il faut se dire. Je vous laisse deviner à l'époque Pif Gadget, qui sortait toutes les semaines. Qui est une revue de kiosque voilà, vous demandez à votre papa et à votre maman, peut-être. Je pense qu'énormément de gens ont connu Pif Gadget à cette époque-là. En gros, c'était une revue BD, jeu, qui était vendue avec, bien évidemment, ce mythique gadget qui a fait... Et c'était toutes les semaines, donc je vous laisse imaginer les cadences infernales que vivaient les dessinateurs. Et c'est eux qui faisaient tout eux-mêmes, donc c'était crayonné, ancrage, eux-mêmes faisaient la... Donc là, ouais, ça rejoint un peu, on va dire, le modèle des mangas, donc des BD japonaises. Sauf que là, bien sûr, il y a la couleur en plus qu'on rajoute chez nous. Encore le système japonais, encore différent, parce qu'ils ont vachement d'assistants, quoi. Même plus... Oui, aussi, c'est vrai. Et c'est là que tu te dis, en France, les gars, ils ont travaillé tout seuls, quoi. Je veux dire que des gens qui ont fait, par exemple, je crois encore des gens de Pif Gadget, hein, qui ont fait genre Ran, Chéré, ou, alors ça aussi, je vous le recommande, César, qui a fait Arthur le Fantôme, ou des choses comme ça, ou voire même... Marcelo qui avait fait Docteur Justice, c'était des gars qui travaillaient tout seuls. Et c'est là que et quand tu vois tout ce qu'ils ont fait, tu te dis c'est juste mais impressionnant. Quoi. Et ils ont fait ça tout seuls. Oui, c'est ça. Bon, la plupart des trucs, ils ont un scénariste. D'ailleurs, à noter que les scénaristes dans ces expos étaient mal mal mis en avant. Ouais. C'est ça que je regrette un peu beaucoup. C'est ça que je regrette beaucoup quand même, parce que ils amènent quand même leur pierre à l'édifice. Quoi. C'est quand même un peu eux qui mettent. Construisent le personnage et c'est juste juste entre guillemets, mais c'est mis en image après, donc il y a pas une seule personne derrière un comics, justement. On en revient à ça. Oui, voilà, on en revient à ça. Il n'y a pas une seule personne derrière un comics, derrière les BD, ce que nous on appelle franco-belge. D'ailleurs, quelque chose qui m'a fait beaucoup beaucoup rire, d'ailleurs, dans l'expo Alex Ross, ils ont aussi mis ce qui se passait en France et les éléments connexes au. Ils ont fait une comparaison entre les deux. Voilà, donc j'ai appris, je ne savais pas que Batman avait été créé quasiment en même temps que Spirou. Ah ouais. Et Ah oui, c'est vrai, ils ont fêté leurs 75 ans, c'est vrai, le courant de l'année dernière. Ouais. Et nous, ça nous fait toujours. Et là, c'est là qu'on se dit, nous, ça nous fait toujours bizarre quand une série passe d'un dessinateur à un autre. Oui. Et après, ils en profitent aussi pour citer ces grandes personnes qui, à l'époque, ont fait sauter la censure aussi du comics aux États-Unis. Je ne me rappelle plus bien des noms, mais je trouvais ça aussi très sympa de noter ces genres d'éléments-là. Quoi. Oui, ça fait quand même un peu partie de l'historique du comics. Non, mais moi, j'ai vraiment été séduit. Quoi. Si vous passez par Paris, n'hésitez pas à y aller. Si vous vraiment vous appréciez la comics ou la BD en général, allez-y. Quoi. Oui, puis de toute façon, à mon avis, des expos comme ça, ça va tourner peut-être plus forcément en France, mais ça va tourner après dans les autres pays. Donc si vous êtes à la frontière, ça devrait pouvoir se faire. Donc tout ce qui est... moi, je devais aussi aller voir l'expo Star Wars. Bon, un problème a fait que je n'ai pu y aller. D'ailleurs, je vais donner une recommandation aux auditeurs. Si vous pouvez y aller, c'est assez mal indiqué sur leur site, mais passez par... Sinon, il y a le métro qui arrive juste à côté. Prenez cette ligne-là. Oui, voilà. Oui, de toute façon, faites de bonnes recherches avant d'aller. C'est vrai que tu nous as raconté ça, que tu as eu un petit problème pour le trouver. Non, c'est un petit peu mal indiqué. Sur le site mal indiqué, quoi. Et pour un gros truc, je trouve que quand même, ça fout un peu mal, mais bon. Mmh. Après, ils font comme ils veulent, les gens. Surtout qu'en plus, c'est toujours plein, hein. C'est ça qui est impressionnant aussi. L'expo Star Wars, c'est toujours plein. Oui. Parce que les billets, une semaine sur l'autre, c'est fini. J'ai vu des gens qui discutaient, mi-avril, ils prenaient des billets pour le mois de mai. Quoi. Ouais. Donc ça aussi, je recommanderais, bon, j'ai pas pu le voir, mais je pense que ça va être assez intéressant. Vu que, C'est vrai, ouais, sur les divers retours que j'ai pu voir, par exemple, de Davy qui l'a fait, ou d'autres podcasters, c'est vrai que c'était plutôt impressionnant et ça donnait envie de le faire. Non, mais c'est vrai que du coup, après, bon, les expos que moi j'ai cités là, c'est quand même assez facile à trouver. C'est dans Paris, oui. Donc dans Paris, on est rarement perdu. C'est vrai. Pour avoir regardé sur les trois sites, donc Art Ludique, Mona Bismarck, American Center, c'est vraiment plutôt bien indiqué. Alors que pour Star Wars, j'ai un petit peu lutté. Ah oui, non, mais moi j'ai d'ailleurs. Quand j'ai dit à mon cousin que j'étais allé là-bas, il m'a fait mais moi j'y étais allé, j'aurais pu t'aider. Et puis c'est là qu'il m'a dit quand même, il m'a dit je suis arrivé par le métro, j'ai eu du mal à trouver. Alors que le métro est à côté quand même. Oui. Donc je pense qu'il y a des. Il faudrait qu'ils se mettent d'accord avec les les dirigeants de Seine-Saint-Denis pour un petit peu mieux indiquer ça quand même, parce que c'est quand même la cité du cinéma, c'est pas petit. Quoi. Oui. je trouve ça un peu dommage, bon, parce que c'est quand même un gros truc, bon, on trouve pas un petit truc des fois, bon, on se dit quand même c'est petit. Oui. Et là, oui, alors que là, c'est quand même ouais, une grosse expo, un gros truc à faire, donc ouais, c'est plutôt un peu con si c'est mal indiqué. Oui, et surtout que moi, en plus, j'ai suivi les indications du site, Donc moi, si j'avais une seule recommandation, c'est prenez le métro qui va juste à côté, je pense que vous y arriverez sans trop de problèmes. Ok, bah merci pour ce retour sur trois choses, deux choses complètement différentes, donc un concert et deux expos. Question comme ça, est-ce que tu as prévu de faire d'autres expos Alors des expos bientôt. Pour l'instant, non, je pourrais peut-être faire d'autres sorties. D'autres sorties, voilà. Donc d'ici peu, je vais aller au festival de Saint-Gaudens. Ouais, c'est un festival de quoi ? Alors c'est un festival que BD à la base. Ouais. Alors Saint-Gaudens, si vous voulez, ça se trouve en Haute-Garonne, donc à savoir à 1 heure de Toulouse. Et il y a juste, comme personne qui vient, il y a juste le dessinateur de V for Vendetta. Oui, donc ça... faut y aller. Oui, je vais y aller. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y aura personne, je ne sais pas pourquoi. Des fois, il ne faut pas trop se poser de questions, parce que c'est des petits festivals quand même. Ouais, je sais pas. Ah, c'est vrai que j'ai hâte de voir le monde qu'il va y avoir parce que c'est quand même. Quand j'ai vu ça sur la feuille au début, je me suis dit, je crois qu'à la base il est écossais, je crois, ou anglais, je crois, le dessinateur. Oui. Et je suis resté tôt, j'ai fait trop beau aussi. Au début, j'ai cru qu'ils avaient vu ça pour rigoler, tu vois. Oui, comment une grosse pointure peut venir, mais bon, c'est justement c'est les festivals comme ça, ça permet de faire venir du monde. Ah oui, surtout qu'en plus, c'est vraiment le petit festival, c'est ça le pire. Parce que quand c'est quand même un gros festival, tu te dis, bon, ils ont besoin de plus de frais pour défrayer les auteurs, tout ça, pour qu'ils puissent les faire venir. Là, c'est vrai que là, j'étais... Oui, c'est sûr, c'est pas Japan Expo ou le TGS. Ah oui, non, même les gros festivals de BD, je pense à Goulême, je pense à Quai des Bulles, je pense à... oui, c'est Saint-Malo, Quai des Bulles. Saint-Malo, ouais. C'est Malo, ouais. Ah, le festival de Saint-Malo, gros festival aussi. Bah, il y a quand même de bons festivals de BD en France. Hein. Ouais, ça s'est un peu, ça s'est un peu perdu avec la crise, tout ça. De toute façon, ça s'est vu dans le monde de l'édition. Le monde de l'édition français a pris un coup quand même. Donc, les festivals aussi en ont pris un coup. Hein, faut rester honnête. Hein. Mais il y a des sorties, quoi. Faut chercher un peu. Oui. Évidemment. Bon, il y a des très bons sites pour ça. Oui, c'est opal.com ou .fr. Opal BD. Opal BD, oui. Donc ouais, moi je fais toujours quelques festivals BD dans l'année. On a une très bonne culture pour ça en France. Moi je vous dis, sortez, allez voir les auteurs, allez voir comment ils travaillent. Surtout que chez nous, il suffit d'acheter une BD, ils sont très cordiaux, ils nous font un dessin généralement gratuitement. Ce qui abuse sur leur temps libre, parce que quand ils sont au festival, ils ne sont pas devant leur blanche à BD. Bah oui. Ils ne peuvent pas avancer sur ce qu'ils font, donc moi je vous dis, allez voir ces gens-là, c'est des gens, je vais pas dire formidables. Ouais. Mais... Bah si, c'est quand même des gens formidables, parce que du coup, bah, tu peux lier d'amitié avec eux, tu parles souvent avec eux et tout, donc c'est sympa toujours à vivre et d'avoir des retours d'auteurs, de voir comment ils bossent. Bon, mais oui, c'est ça. On en revient toujours même. Ah oui, voilà, c'est ça, et en plus, des fois... Quand on a comme moi, quand on en fait beaucoup sur beaucoup, quand on en fait un certain nombre sur de longues années, on voit les auteurs évoluer et c'est ça qui fait plaisir. C'est des auteurs, on les a vus, oui, là, je sais pas, j'arrive pas à vendre ma BD, je sais pas quoi sortir, personne n'en veut, et puis d'un coup, c'est ce qu'on appelle le coup de bourre, quoi. C'est le gars, oui. il a des propositions partout, et ça fait plaisir, toi. Les auteurs, tu peux leur dire, ta BD m'a plu, c'est quand qu'elle arrive, ou tu lui dis. Ah ça, je voyais pas ça comme ça, est-ce que... Ah, mais peut-être pour le prochain, on va voir ça différemment, des choses comme ça, tu vois, et c'est des gens compréhensifs en plus, c'est ça qui est bien, hein. Parce que de toute façon, ils viennent sur leur temps libre, alors s'ils sont pas compréhensifs en venant sur leur temps libre... Oui, c'est vrai que s'ils viennent et qu'ils font la gueule, c'est un peu plus compliqué. Il y en a. Bon, après, c'est comme tout le monde, hein. Tous les matins, on n'est pas toujours forcément toujours oui, de bonne humeur. C'est les tracas de la vie, ouais. Voilà. Non, mais c'est ça. Hein. Moi, je dis, sortez les gens, sortez. Il se passe des belles choses chez nous. Après, bon, il y a les grosses conventions. Hein, tu as déjà parlé du TGS, tout ça. Il y a toujours les grandes messes, Japan Expo, les festivals comme ça. Mais après, c'est pas des choses qui ont le même rapport avec un festival de BD, avec une expo. Non, c'est vrai. Ouais. Du coup, bah merci d'avoir fait ce retour sur ça. Et merci de m'avoir laissé une grosse part d'antenne quand même. Bah, y a pas de problème, de toute façon, c'est fait pour ça. Et puis si tu veux revenir et vraiment faire la formule complète avec une présentation dans un before et revenir sur un after après, y a pas de problème. Tu peux faire ça, bah du coup sur le festival de Saint-Gaudens, vas-y. Bon, tu sais, les festivals comme ça, tu sais, souvent pour un before, c'est vite fait. Quoi. Enfin, à part expliquer oui. Ce que font les auteurs, bon. De toute façon, des fois c'est plus graphique, des fois qu'autre chose. Oui, quoi. Puis de toute façon, le but du Before, c'est de présenter ce qu'on va voir et un peu l'historique du festival ou de l'expo. Donc ça sert de préambule et de présentation. Oh, j'en ferai un peut-être pour un événement où je vais habituellement chaque année. Je peux le dire déjà, c'est parce que personne ne connaîtra, c'est le Festival de la Fouillade. C'est un très bon festival d'ailleurs qui a demi-heure, 45 minutes de chez moi, et on trouvait. Cette année, il y a une très bonne programmation de genre, parce qu'on en reparlera plus tard. Ok, bah, on se donne rendez-vous donc pour ce festival-là, puis on refera un podcast dessus. Pas de soucis. Bon, bah, merci encore, et puis bah, à la prochaine. Salut. À la prochaine, salut!